Activité 7. Le camembert en promotion, c'est ici, chez votre crémier. Les œufs tout frais, les œufs. Regardez, madame, une bonne tarte au citron pour le dessert de ce midi. Le poisson, c'est bon pour la santé. Mangez du poisson. 10 euros le bouquet de roses. Allez, 10 euros les